Chapitre 17e, les 25 louis de Nicole. Cependant, de retour dans sa chambre, André activait les préparatifs de son départ. Nicole aida à ses préparatifs avec une ardeur qui dissipa promptement le nuage qui s'était élevé entre elle et sa maîtresse à l'occasion de la scène du matin. André la regardait faire du coin de l'œil et souriait en voyant qu'elle n'aurait pas même besoin de pardonner. « C'est une bonne fille, » se disait-elle tout bas, dévouée, reconnaissante. « Elle a ses faiblesses, comme ici-bas toute créature, oublions. » Nicole, de son côté, n'était pas fille à avoir perdu de vue la physionomie de sa maîtresse, et elle remarquait la bienveillance croissante qui se peignait sur son beau et calme visage. « Sotte que je suis, » pensa-t-elle, « j'ai failli me brouiller pour ce petit coquin de Gilbert, avec mademoiselle qui m'emmène à Paris, où l'on fait presque toujours fortune. » Il était difficile que sur cette pente rapide de sympathie roulant l'une vers l'autre ne se rencontrasse point, et en se rencontrant ne se mise point en contact. André donna la première réplique. « Mettez mes dentelles dans un carton, » dit-elle. « Dans quel carton, mademoiselle ?» demanda la chambrière. « Mais que sais-je, n'en avons-nous point ? Si fait, j'ai celui que mademoiselle m'a donné et qui est dans ma chambre. » Et Nicole courut chercher le carton avec une prévenance qui acheva de déterminer André à oublier tout à fait. « Mais c'est à toi ce carton, » dit-elle en voyant reparaître Nicole, « et tu peux en avoir besoin, pauvre enfant, dame, si mademoiselle en a plus besoin que moi. Comme c'est à elle, en définitive, que le carton appartient. « Quand on veut entrer en ménage, » reprit André, « on n'a jamais assez de meubles. Ainsi, c'est donc toi, en ce moment, qui en a plus besoin que moi. » Nicole rougit. « Il te faut des cartons, » continua André, « pour mettre ta parure de noces. » « Oh, mademoiselle, » dit gaiement Nicole en secouant la tête, « mes parures de noces à moi sont faciles à loger et ne tiendront pas grand place. Pourquoi ? Si tu te maries, Nicole, je veux que tu sois heureuse, riche même. Riche ? Oui, riche, proportionnellement, sans doute. Mademoiselle m'a donc trouvé un fermier général. En vérité, mademoiselle. Tu sais ce qu'il y a dans ma bourse ? Oui, mademoiselle, 25 beaux louis. Eh bien, ces 25 louis sont à toi, Nicole. 25 louis ? Mais c'est une fortune, cela ! S'écria Nicole ravie. « Tant mieux, si tu dis cela sérieusement, ma pauvre fille. Et mademoiselle me donne ces 25 louis, je te les donne. » Nicole eut un mouvement de surprise, puis d'émotion, puis des larmes lui vinrent aux yeux. Elle se jeta sur la main d'André, qu'elle baisa. « Alors ton mari sera content, n'est-ce pas ? » dit mademoiselle de Tavernet. « Sans doute, bien content, » dit Nicole. « Du moins, mademoiselle, je l'espère. » Et elle se mit à songer que ce qui avait causé le refus de Gilbert, c'était sans doute la crainte de la misère, et que maintenant qu'elle était riche, elle allait peut-être paraître plus désirable à l'ambitieux jeune homme. Alors elle se promit d'offrir à l'instant même à Gilbert sa part de la petite fortune d'André, voulant se l'attacher par la reconnaissance et l'empêcher de courir au mal. Voilà ce qu'il y avait de vraiment généreux dans le projet de Nicole. Maintenant, peut-être, un malveillant commentateur de sa rêverie eut-il découvert dans toute cette générosité un petit germe d'orgueil, un involontaire besoin d'humilier celui qui l'avait humilié. Mais ajoutons vite, pour répondre à ce pessimiste, qu'en ce moment, nous en sommes à peu près sûrs, la somme des bonnes intentions l'emportait de beaucoup chez Nicole sur celle des mauvaises. André la regardait penser. « Pauvre enfant, » soupira-t-elle, « elle, qui insouciante, pourrait être si heureuse. » Nicole entendit ces mots et tressaillit. Ces mots laissaient en effet entrevoir à la frivole jeune fille tout un eldorado de soie, de diamants, de dentelles, d'amour, auquel André, pour qui la vie tranquille était le bonheur, n'avait pas même songé. Et cependant Nicole détourna les yeux de ce nuage d'or et de pourpre qui passait à l'horizon. Elle résista. « Enfin, mademoiselle, je serai peut-être heureuse ici, » dit-elle, « au petit bonheur. » « Réfléchis bien, mon enfant. » « Oui, mademoiselle, je réfléchirai. » « Tu feras sagement. Rends-toi heureuse à ta façon. » Mais ne sois plus folle. C'est vrai, mademoiselle, et puisque l'occasion s'en présente, je suis aise de dire à mademoiselle que j'étais bien folle, surtout bien coupable, mais que mademoiselle me pardonne, quand on aime. Tu aimes donc sérieusement Gilbert ? Oui, mademoiselle, je l'aimais, dit Nicole. C'est incroyable, dit André en souriant. Quelque chose a donc pu te plaire dans ce garçon. La première fois que je le verrai, il faut que je le regarde, ce monsieur Gilbert qui ravage les cœurs. Nicole regarda André avec un dernier doute. André, en parlant ainsi, usait-elle d'une profonde hypocrisie ou se laissait-elle aller à sa parfaite innocence ? André n'avait peut-être pas regardé Gilbert. C'était ce que se disait Nicole, mais à coup sûr, se disait-elle encore, Gilbert avait regardé André. Elle voulut être mieux renseignée en tout point avant de tenter la demande qu'elle projetait. « Est-ce que Gilbert ne vient pas avec nous à Paris, mademoiselle ?» demanda Nicole. « Pourquoi faire ?» répliqua André. « Mais Gilbert n'est pas un domestique. Gilbert ne peut être l'intendant d'une maison parisienne. Les oisifs de Tavernet, ma chère Nicole, sont comme les oiseaux qui gazouillent dans les branches de mon petit jardin et dans les haies de l'avenue. Le sol, si pauvre qu'il soit, les nourrit. Mais un oisif à Paris coûte trop cher. Et nous ne saurions là-bas le tolérer à rien faire. « Si je l'épouse, cependant ?» balbutia Nicole. « Eh bien, Nicole, si tu l'épouses, tu demeures avec lui à Tavernet, » dit André d'un ton ferme, « et cette maison que ma mère aimait tant, vous ne la garderez. » Nicole fut abasourdie du coup. Impossible de trouver le moindre mystère dans les paroles d'André. André renonçait à Gilbert sans arrière-pensée, sans l'ombre d'un regret. Elle livrait à une autre celui que la veille, elle avait honoré de sa préférence. C'était incompréhensible. « Sans doute. Les demoiselles de qualité sont ainsi faites, » se dit Nicole. « C'est pour cela que j'ai vu si peu de chagrin profond au couvent des Annonciades. Et cependant, que d'intrigues. » André devina probablement l'hésitation de Nicole. Probablement aussi vit-elle son esprit flotter entre l'ambition des plaisirs parisiens et la douce et tranquille médiocrité de Tavernet, car d'une voix douce mais ferme, « Nicole, la résolution que tu vas prendre décidera peut-être de toute ta vie. » « Réfléchis, mon enfant. Il te reste une heure pour te décider. Une heure, c'est bien peu, sans doute, je le sais, mais je te crois prompt dans tes décisions. Mon service ou ton mari, moi ou Gilbert. Je ne veux pas être servi par une femme mariée. Je déteste les secrets de ménage. »« Une heure, mademoiselle ?» répéta Nicole. « Une heure, une heure. » »« Eh bien, mademoiselle a raison. C'est tout autant qu'il m'en faut. Alors rassemble tous mes habits. » « Joins-y ceux de ma mère, que je vénère, tu le sais, comme des reliques, et reviens m'annoncer ta résolution, quelle qu'elle soit. Voici tes 25 louis. Si tu te maries, c'est ta dot. Si tu me suis, ce sont tes 2 premières années de gage. » Nicole prit la bourse des mains d'André et la baisa. La jeune fille ne voulait sans doute pas perdre une seconde de l'heure que lui avait accordée sa maîtresse, car elle s'élança hors de la chambre, descendit rapidement l'escalier, traversa la cour, et se perdit dans l'avenue. André la regardait s'éloigner en murmurant « Pauvre folle, qui pouvait être heureuse !» Est-ce donc si doux, l'amour ? 5 minutes après, toujours pour ne pas perdre de temps sans doute, Nicole frappait aux vitres du rez-de-chaussée qu'habitait Gilbert, décoré si généreusement par André du nom d'oisif et par le baron de celui de fainéant. Gilbert tournait le dos à cette fenêtre donnant sur l'avenue et remuait on ne sait quoi au fond de sa chambre. Au bruit des doigts de Nicole tambourinant sur la vitre, il abandonna, comme un voleur surpris en flagrant délit, l'œuvre qui l'occupait, et se retourna plus prompt que si un ressort d'acier l'eût fait mouvoir. « Ah » fit-il, « c'est vous, Nicole ?»« Oui, c'est encore moi, » répondit la jeune fille à travers les carreaux, avec un air décidé mais souriant. « Alors soyez la bienvenue, Nicole, » dit Gilbert en allant ouvrir la fenêtre. Nicole, sensible à cette première démonstration de Gilbert, lui tendit la main. Gilbert la serra. « Voilà qui va bien, » pensa-t-elle. « Adieu le voyage de Paris. » Et c'est ici qu'il faut louer sincèrement Nicole, qui n'accompagna cette réflexion que d'un seul soupir. « Vous savez, » dit la jeune fille en s'accoudant sur la fenêtre, « vous savez, Gilbert, que l'on quitte Tavernet ?»« Je le sais, » répondit Gilbert. « Vous savez où l'on va ? On va à Paris. » « Et vous savez encore que je suis du voyage ?» « Non, je ne le savais pas. Eh bien, je vous en félicite, si la chose vous plaît. »« Comment avez-vous dit cela ?» demanda Nicole. « J'ai dit, si la chose vous plaît. C'est clair, ce me semble. »« Elle me plaît, c'est selon, » reprit Nicole. « Que voulez-vous dire à votre tour ?»« Je veux dire qu'il dépendrait de vous, que la chose ne me plût pas. »« Je ne comprends pas, » dit Gilbert en s'asseyant sur la fenêtre de telle façon que ses genoux effleuraient les bras de Nicole. Et que tous deux pouvaient continuer leur conversation, à moitié cachés par les lianes de liseron et de capucine enroulées au-dessus de leur tête. Nicole regarda tendrement Gilbert. Mais Gilbert fit un signe du cou et des épaules qui voulait dire qu'il ne comprenait pas plus le regard que les paroles. « C'est bien, puisqu'il faut tout vous dire, écoutez donc, » reprit Nicole. « J'écoute, » dit froidement Gilbert. « Mademoiselle m'offre de la suivre à Paris. Bon, dit Gilbert, à moins que... À moins que, répéta le jeune homme, à moins que je ne trouve à me marier ici. Vous tenez donc toujours à vous marier ? Dit Gilbert impassible. Oui, surtout depuis que je suis riche, répéta Nicole. Ah, vous êtes riche ? Demanda Gilbert avec un flegme qui dérouta les soupçons de Nicole. Très riche, Gilbert, vraiment ? Oui. Et comment ce miracle s'est-il fait ? Mademoiselle m'a doté. C'est un grand bonheur, et je vous en félicite, Nicole. Tenez, dit la jeune fille en faisant ruisseler dans sa main les 25 louis. Et se disant, elle regardait Gilbert pour saisir dans ses yeux un rayon de joie ou tout au moins de convoitise. Gilbert ne sourcilla point. « Par ma foi, c'est une belle somme, » dit-il. « Ce n'est pas le tout, » continua Nicole. « Monsieur le baron va redevenir riche. On songe à rebâtir Maison Rouge et à embellir Tavernet. Je le crois bien. Et alors le château aura besoin d'être gardé, sans doute. Eh bien, mademoiselle donne la place de concierge à l'heureux époux de Nicole. » Continua Gilbert, avec une ironie qui ne fut point assez dissimulée cette fois pour que ne s'en effaroucha pas la fine oreille de Nicole. « L'heureux époux de Nicole, » reprit-elle, « n'est-ce point quelqu'un que vous connaissez, Gilbert ? De qui voulez-vous parler, Nicole ? Voyons, est-ce que vous devenez imbécile ou est-ce que je ne parle pas français ?» s'écria la jeune fille qui commençait à s'impatienter à ce jeu. « Je vous entends à merveille, » dit Gilbert. « Vous m'offrez d'être votre mari, n'est-ce pas, mademoiselle Le Guet ?» « Oui, monsieur Gilbert. »« Et c'est après être devenu riche, » se hâta de dire celui-ci, « que vous conservez pour moi de pareilles intentions. »« En vérité, je vous en suis bien reconnaissant. »« Vraiment, sans doute. »« Eh bien, » dit franchement Nicole, « touchez-la, moi. »« Vous acceptez, n'est-ce pas ? Je refuse. » Nicole fit un bond. « Tenez, » dit-elle, « vous êtes un mauvais cœur, ou tout au moins un mauvais esprit, Gilbert. Et croyez-moi, ce que vous faites en ce moment ne vous portera point bonheur. Si je vous aimais encore... Si j'avais mis en ce que je fais en ce moment autre chose qu'un point d'honneur et de probité, vous me déchireriez l'âme. Mais Dieu merci, j'ai voulu qu'il ne fût pas dit que Nicole, devenue riche, méprisa Gilbert et lui rendait une souffrance pour une insulte. À présent, Gilbert, tout est fini entre nous. Gilbert fit un geste d'indifférence. Ce que je pense de vous, vous ne pouvez en douter, dit Nicole. Me décidez, moi dont vous connaissez le caractère aussi libre, aussi indépendant que le vôtre, me décidez-moi à m'enterrer ici, quand Paris m'attend. Paris qui sera mon théâtre, comprenez-vous ? Me décider à voir tout le jour, toute l'année et toute la vie, cette froide et impénétrable figure derrière laquelle se cachent tant de vilaines pensées. C'était un sacrifice, vous n'avez pas compris, tant pis pour vous. Je ne dis pas que vous me regretterez, Gilbert. Je dis que vous me redouterez et que vous rougirez de me voir là où m'aura conduite votre mépris de ce jour. Je pouvais redevenir honnête. Une main amie me manquait pour m'arrêter au bord de l'abîme où je penche, où je glisse, où je vais tomber. J'ai crié, aidez-moi, soutenez-moi. Vous m'avez repoussé, Gilbert. J'y roule, j'y tombe, je m'y perds. Dieu vous tiendra compte de ce crime. Adieu, Gilbert, adieu. Et la fière jeune fille s'en retourna sans colère, sans impatience, ayant fini, comme toutes les natures d'élite, par laisser venir à la surface le fond généreux de son âme. Gilbert ferma tranquillement sa fenêtre et rentra dans sa cabane, où il reprit cette mystérieuse occupation interrompue par l'arrivée de Nicole.